Bon, alors, bah, écoute, André. Bon. Tu vois, on a dépassé, oui, on a dépassé notre heure. Merci. Donc, tu vois, ça passionne toujours. Ben, on suit. Hein. Alors, comme il a été dit, effectivement, le livre d'André Burguière a été pilonné, malheureusement, comme beaucoup de bons livres, puisque les éditeurs ne veulent jamais rien stocker. On le trouve sur Internet. Donc, il n'y a aucun problème si les gens n'ont pas lu. Je rappelle nos prochaines... Alors, bon, d'abord, André va présenter son travail autour du mariage et l'amour demain à la médiathèque de Quimper. Hein, c'est très intéressant de venir. Michel, tu pourras peut-être dire un petit mot. Bon, moi, c'est toi qui... Et puis, alors, notre prochain rendez-vous de Plausarche, c'est Laure. Le 28 janvier, avec... Le 28 janvier, il y aura Serge Duigou et André L'Espagnol qui viendront nous parler du rapport des Bigoudins à la mer. Voilà. Donc, le littoral. Bon, ben voilà, merci beaucoup. Et donc, au prochain rendez-vous de Plausarche. Pour Plausarche, on va commencer le renouvellement du projet au Conseil régional. On a encore une dernière année. Mais on va essayer de trouver du financement pour avoir encore continué à travailler ensemble. Voilà.